Salut tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 30 juillet. C'était la 64e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean en fin de semaine. Et c'est l'Italien Eduardo Stonico qui a remporté cette classique. Stonico a négocié le parcours en un temps de 7h10. Faites à noter, l'Italien avait terminé en 7e position l'année dernière. Le Cherboucois Xavier Desharnais a terminé en 2e place. Il a terminé avec un temps de 7h10 et 53 secondes. Comme on peut voir, c'était très très serré. Et l'Allemand Alexander Stolinski a terminé en 3e position. Stolinski a fini avec un chrono de 7h10 et 59 secondes. Chez les femmes, c'est une autre Italienne, soit l'Italienne Barbara Ponzon qui a fini en première position. Pozzobon qui a fini avec un temps de 7h35 et 20 secondes. La nageuse de Saint-Bruno, Sabrina Lavoie, a pris le 5e rang chez les femmes. Sabrina a terminé avec un temps de 8h15 et 50 secondes. Pendant ce temps-là, vendredi, au marathon de la relève qui se déroulait dans les eaux du Pequagami, aux 10 km, Gabrielle Savard de Debout-Mistassini a signé la victoire chez les femmes. Donc, la jeune femme de Debout-Mistassini a réalisé la victoire avec un chrono de 2h30 et 41 secondes. Guillaume Poulet de Saint-Félicien a enlevé la 9e position. Poulet qui a négocié avec un temps de 2h48 minutes et 1 seconde. Et il y a une autre nageuse de Chibougamau, Adrienne Bouchard, qui a terminé l'épreuve avec un temps de 3h30 minutes et 55 secondes. Et Alexandre Petitguet de Massouillage, tant qu'à lui, a terminé également l'épreuve avec un temps de 3h4 minutes et 56 secondes, ce qui est bon pour la 13e position. Aux Jeux du Québec qui ont débuté à Thetford Mines, la région a maintenant 2 médailles, soit une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et elle vient de Marie-Philippe Bolduc, qui est la même athlète. Donc Marie-Philippe Bolduc qui a terminé médaille de bronze contre la montre. Ça se déroulait samedi. Et au niveau minime, elle a remporté une médaille d'argent au cross-country. Donc la région jusqu'à maintenant a 2 médailles. Une médaille d'or et une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est la région de Québec qui a plus de médailles avec 24 médailles. Le club de golf de Debout-Mistassini présentait un tournoi la semaine dernière et la grande équipe championne dans la classe A, c'est la formation de Jacques Besson qui a été composée de Mona Marceau, Albéric Labbé et André Chiasson qui ont terminé avec un pointage de moins 24. L'équipe de Jacqueline Marceau a terminé également en 2e position dans la classe A. Maintenant, dans la classe B, c'est Martin Lemieux qui a triomphé. Et la 2e position est allée à la formation de Dominique Bouchard. Donc, c'est tournoi est en collaboration avec le magasin Dumoulin de Debout-Mistassini. Pendant ce temps-là, à Chibougamau, il y avait la Coupe des champions. C'était la dernière épreuve de qualification. Et en classe A, c'est Marc-Olivier Bougie qui a remporté la victoire avec un pointage de 73. Et en classe 2B, Thomas Laplace qui a terminé avec un pointage de 85. Et en classe B, Normand Baudry a terminé avec 76. Les voyageurs de Ville-Saguenay ont perdu 6-0 hier contre Longueuil. Et samedi, ils ont remporté une victoire de 7-3 contre les Cards de La Salle. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient. Au senior féminin division 2, victoire très facile de Saint-Bruno 7-1 sur Debout-Mistassini. Et dans le U16 féminin, gain de l'Uni de Robertval 5-1 sur le FC de Saint-Félicien. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.